40 ans de carrière, c'est quand même pas rare. C'est très rare de nos jours qu'un individu fait 40 ans. Quoi qu'il en soit, Dave Elsie du Journal Quotidien a pondu un bon texte la semaine dernière sur Renal Neptune qui cette année fête son 40e anniversaire en emploi des Saguenay de Chicoutimi. Ça a dû changer beaucoup, quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Renal. Oui, bonjour. Renal, 40 ans de carrière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'imagine que lorsque tu as commencé en 1978-79, on pensait pas qu'on avait fait 40 ans. Là. Non, c'est certain, comme je disais tantôt, quand tu commences dans ce monde-là, qui est le sport, tu sais, ça change souvent d'instructeur, ça change souvent de personnel, d'assistant. Quand tu commences à la job que j'avais, là, à l'époque, là, j'étais, on appelait ça un répondant médical, là, premier soin, si ouais. Tu veux. Tu t'attends pas là, de toffer aussi longtemps. Mais quand tu aimes ça, puis avec les années, puis tu sais, la manière de travailler, de jamais arrêter, c'est un peu comme on demande au roi tout le temps travailler, ça fait que, en bout de ligne, ben les années passent, puis aujourd'hui, je suis 40 ans plus tard moi-même, là, tu sais, j'en suis surpris, mais honnêtement, j'aimais ce que je faisais. OK. Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Être près des jeunes, être près d'une équipe de hockey? Tu sais, en étant 37 ans dans la clinique, c'est sûr que j'étais proche des gens. Ouais. Quand ils disent que t'es le confident, t'es un peu le mère et leur père qui sont à l'extérieur, c'est certain que c'est un métier que j'ai aimé. Mais versus les changements des 40 dernières années, versus les règlements, versus les assurances, puis les dangers que ça guette de n'importe qui, d'un gars comme moi qui a appris sur le tas, qui a pété une université, 37 ans d'expérience, c'est, moi j'en ris de dire que c'était passé. Mais aujourd'hui, on dit aux jeunes, on dit à tout le monde, il faut aller à l'école. Alors nous autres, dans notre temps, on y allait pas, mais les règles ont changé, puis aujourd'hui, ben si t'as pas de diplôme, tu peux pas faire ces jobs-là. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que t'as changé d'emploi il y a 3 ans. Hein? C'est les compagnies d'assurance qui exigeaient ça, hein? Malheureusement. Exact. Ben, malheureusement ou heureusement pour moi, parce que je déteste pas ce que je fais. Okay. J'aime bien mon nouveau rôle, si je peux appeler ça de même, là, d'aider un peu tout le monde, dans le fond, d'aider un peu la nouvelle physio qui est rentrée là, pas nécessairement au niveau médical, mais au niveau de mon expérience, de la faire vivre un peu à tout le monde, leur donner des idées. Puis moi, en même temps, ben, ça me permet aussi, dans la nouvelle tâche, d'aller voir les joueurs à l'extérieur, d'aller voir les midgets, d'aider au système de dépistage, essayer de monter une bonne équipe de hockey pour les soigner. OK. Renald, si on parlait un peu, c'est qui t'avait emmené au départ? C'est en 78-79, on n'est pas à l'époque de Mario Bazinet, hein? Non, moi, quand j'ai commencé, là, c'est Orval Tessier qui était l'instructeur. Orval Tessier, OK, c'est ouais. Bon. Ouais. Alors, c'est lui qui m'a donné par mon méchant. Mais c'est quelqu'un, à l'époque, des Saguenayens qui m'avait demandé, parce que tout jeune, j'aidais quand même un peu à ceux-là qui étaient là à faire du lavage, pour dépanner là, une fin de semaine, parce qu'il venait justement de mettre le préposé de l'équipement, puis le gars du médical dehors. Puis à partir de là, j'ai fait un voyage avec eux autres, puis M. Tessier m'a ouvert la job, puis ça a commencé comme ça, puis aujourd'hui, ben, on est 40 ans plus tard. Le plus grand changement que tu as observé chez les jeunes, ou dans la ligue, peu importe, en 40 ans, c'est quoi? Est-ce que c'est le jeune? Est-ce que c'est la ligue? Est-ce que... Parce que là, il y a des extraits de ces sites d'entrevue là, sur les TVA Sports. On passe des émissions sur les 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est quoi ton plus grand changement, toi? C'est sûr que toutes les décennies, tu sais, les jeunes changent, la vie change, les gens, les parents changent. Okay. Même moi qui est rendu à, je vais avoir 60 ans, tu sais, j'ai commencé, j'avais 20 ans, les gars étaient de mon âge. Moi, j'ai vieilli, les jeunes ont changé, sont élevés différemment. Nous autres, on est élevés d'une manière. Puis, il n'y a pas de mauvaise manière d'élever les jeunes. Tu sais, les parents, prennent toute attention à les jeunes. Mais le changement, moi, je dirais que les jeunes ont changé parce que nous autres, les parents, on a emmené les choses différemment. Puis, même moi, en tant que grand-parent, on a des petits-enfants, eux m'aident beaucoup à comprendre c'est quoi les jeunes d'aujourd'hui, comment ça marche, comment qu'on devrait fonctionner avec eux autres. Ce qui est plus marquant, c'est ça, c'est le changement, là. Tu sais, des expressions qu'on disait, les enfants, c'est des enfants. Ouais, aujourd'hui, on dit c'est des empereurs, tu sais, c'est ça, la manière qu'on change, la manière que les adultes ont les élèves, fait que ils sont gâtés, puis ils manquent de rien, fait que c'est alors qu'à mon époque, tu t'organisais toi-même, puis écoute, c'était pas pire, c'était pas mieux, mais les choses ont changé avec les années. Ouais, effectivement. Ton meilleur souvenir avec les sexes? Ben, mon meilleur souvenir, tu sais, on a gagné deux Coupes du Président, ouais. On est allé trois fois à Coupe Memorial. C'est certain que la conquête de la Coupe du Président en 91, qui était la première pour les Saguenayens, est un fait marquant pour moi. On dit ça souvent, c'est comme le premier enfant. Les autres, c'est tout correct aussi, mais le premier, c'est un peu différent. Alors moi, la Coupe de 91, c'est certain que ça a marqué ma vie dans l'hockey junior. Mais c'était Félix Potvin qui était devant le filet. Oui, Félix Potvin, ouais, hein, on sait que l'admiration que j'ai pour cette personne, puis que dans la vie de tous les jours, tu sais, j'ai encore des contacts avec, puis coach au budget 3, puis tu sais, il y a des bons résultats, puis quand il était gardien de but, ben écoute, donc, il y a une carrière de 12 ans dans la Ligue nationale. Il a sûrement pas mal réussi, tu sais, à Toronto, puis partout ce qui a passé, il était reconnu comme un excellent gardien. Hey, Neptune, tu dois être très enthousiaste face aux Sags, quelque part, là. Tu vois l'équipe actuellement, là, tu sais, ils sont quoi, 6e, 7e dans les Ligue majeure du Québec? C'est tout un paquet de jeunes. Ça doit être, il doit y avoir de quoi de, ça doit être très motivant aussi, là. Ça, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ça de, on va avoir du maudit bon hockey dans les 2-3 prochaines années, là. C'est certain, qu'est-ce qu'on dit, tu sais, ça fait 4 ans qu'on travaille pour monter une équipe de hockey junior, puis on sait que ça prend du temps. Alors, c'est certain que là, l'équipe des Saint-Justiniers est fun d'avoir joué. Les jeunes sont électrisants, sont spectaculaires. Puis, c'est sûr que les années à venir sont très, très, très encourageantes. Et, on est enthousiaste. Maintenant, on sait tous qu'il y a tellement d'impondérables dans le sport. Mais disons qu'on a les éléments là en place pour être capable de connaître là, oui, des bonnes années à partir de même la fin de cette année qu'on a une saison très bonne, puis les séries qui approchent, puis l'avenir est très intéressant pour nous. OK. Ben Neptune, félicitations, 40 ans. As-tu l'intention de faire ça encore combien d'années? T'as-tu vraiment un objectif? Vas-tu te rendre à 50? C'est-tu quelque chose? Tu sais, il y a 40 ans, je me demandais s'il allait me garder. Ça fait 40 ans, je me dis, regarde, tant que je vais avoir la santé, puis que j'aime ce que je fais, j'ai encore cette passion-là, comme tu dis, d'avoir des jeunes qui sont en train d'avoir joué, puis tout ça. Tant que ça va marcher, puis qu'on voudra me garder, je vais continuer. Puis, j'ai pas d'objectif. Je n'en avais pas quand j'ai commencé, puis j'ai 40 de fait. Fait qu'on verra les prochaines années. Ben, Renan Lepton, un gros merci. Bravo pour tes 40 ans comme à l'emploi des Saguenay de Chicoutimi, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Renan Lepton, des Saguenay de Chicoutimi.